Frédéric Mistral, Le secret des bêtes, lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. À mon ami Mariani. En faisant des recherches dans la bibliothèque de Carpentras, je mis la main sur un manuscrit, pas très ancien, au plus de la première moitié du XVIe siècle, où je trouvais un certain nombre d'historiettes assez curieuses. D'où provient ce recueil que j'ai tout lieu de croire inédit? Probablement du fonds Peiresque, qui a contribué à enrichir la bibliothèque Ingambertine, c'est le nom de la célèbre bibliothèque de Carpentras. Parmi les contes ou fabliaux du manuscrit carpentrassien, s'en trouve un, chose singulière, qui m'a paru se rapporter à ce fameux vin de coca, remis en vogue de nos jours par Mariani. Ce qui prouve une fois de plus que bien des choses considérées comme de belles découvertes ont été connues autrefois et jusqu'à en être légendaires. Voici du reste le fabliau de la coca, il est intitulé « Les secrets des bêtes ». Un jeune bûcheron s'en allait une fois couper du bois dans la forêt, lorsqu'il entendit à distance un formidable bruit de golis et de branches, produit, aurait-on dit, par quelque fauve énorme qui se serait ouvert une voie dans les fourrés. Le gars, tout effrayé, se mussa dans un arbre creux qui se trouvait à proximité, sur le bord d'une mare, et apparurent tout d'un coup, sortant du bois l'un après l'autre, un lion, un léopard et un monstrueux reptile appelé cocadrille. Or, cette mare était l'endroit où, paraît-il, journellement ces animaux venaient boire, et, après boire, ils parlaient entre eux, se confiant ce qu'ils savaient des secrets de la nature. Le lion dit « Si à Madrid ils avaient une source limpide, inépuisable comme celle-ci, n'est-ce pas, ils ne pâtiraient pas de soif comme ils le font cette année par l'extraordinaire sécheresse qui règne. Et pourtant, s'ils savaient, sur la Plaza Mayor, il y a une grosse pierre qui en occupe le milieu. Ils n'auraient qu'à la soulever, et une source merveilleuse en jaillirait, suffisante pour désaltérer tout Madrid et la Castille avec. « Ah, parbleu, s'il savait !» dit le léopard. « Et la reine d'Espagne qui est au lit depuis 9 ans, qui mange, boit comme une personne en plein état de santé, et qui pourtant languit et se meurt de consomption, au point qu'elle en est blanche, comme si elle n'avait plus une goutte de sang rouge. On n'aurait cependant qu'à regarder sous son lit. » Et en soulevant un carreau, on aurait vite vu la cause épouvantable de son dépérissement. Le cocadrille, à son tour, dit « Et l'infante, cette belle et infortunée princesse, dont l'estomac, tout débiffé, ne peut plus supporter la moindre alimentation, au point qu'on ne la sustente qu'avec du bouillon de grenouille, croyez-vous qu'elle ne serait pas bientôt ravigotée si elle buvait, de temps en temps, quelque peu de cet élixir usité au Pérou, sous le nom de coca, et dont j'ai pu me rendre compte lors d'un voyage que je fis autrefois en Amérique. » Et, ces confidences faites, les trois bêtes regagnèrent la profondeur des bois. Mais notre bûcheron, qui n'était pas sot, rentra aussitôt chez lui, prit son bissac de voyage et se dirigea vers l'Espagne. Arrivé à Madrid, il alla se promener sur la Plaza Mayor et se mêla au groupe qui, en causant, prenait le frais sous les arcades de la place. Précisément, ces pauvres gens étaient en train de geindre sur la disette d'eau qui affligeait le pays. Le bûcheron leur dit alors « Eh bien, que l'on me donne 100 000 réaux d'argent, et moi, seigneur, je me fais fort de faire sourdre là, au milieu de cette place, une fontaine d'eau qui inondera Madrid. » Tout de suite, le gars est conduit au palais royal, où, en présence du roi, il renouvelle son propos. Tu auras 100 000 réaux, lui dit le roi d'Espagne, si tu fais ce que tu as dit. Mais prends bien garde, si tu mens, tu recevras 100 coups de fouet. C'est entendu, dit le bûcheron. Sire, si vous voulez de l'eau, faites donc enlever la pierre qui est plantée au milieu de la place. Le roi fait soulever le bloc, et voilà qu'une source d'une puissance fabuleuse jaillit à l'instant du sol, si abondante et si vive que les ruisseaux des rues en sont à l'instant inondés. Toute la cité est en liesse. Le peuple boit à même, à pleine écuelle et des deux mains. et le roi, enchanté, fait compter au bûcheron les 100 000 réaux promis, et puis ajoute avec un soupir. « Si tu pouvais, mon brave, ragaillardir si aisément ma royale et chère épouse, qui se chême dans son lit. »« Sire, répondit le gars, rien ne m'est plus facile. S'il plaît à votre majesté de me bailler en récompense, le titre de grand d'Espagne. » « Tu l'auras, dit le roi. Vite, viens sauver la reine. » On monte à la chambre royale. Le bûcheron regarde sous le lit de la reine et dit « Enlevez-moi cette brique entrebâillée. » On enlève la brique et, horreur, accroupi dessous apparaît un crapaud énorme. C'était lui qui, invisible, aspirait le sang de la reine. D'un coup de hallebarde on perce le vampire, et, à vue d'œil en quelques jours, la princesse revient à la vie. Et le gars est fait grand d'Espagne. Alors le roi lui dit encore, « Ami, tu es vraiment un homme extraordinaire. Mais tu mettrais le comble à ma félicité si tu savais quelque remède pour restaurer l'estomac de notre pauvre et chère infante qui ne peut plus rien supporter sinon le bouillon de grenouille. » « Sire, je sais fort bien, dit le gars, ce qu'il faut pour guérir aussi l'infante. Seulement, c'est d'un très grand prix. » « Demande, dit le roi, le prix que tu désires, et ma parole, tu l'auras. » « Eh bien, fit le bûcheron, je veux, si je la guéris, épouser votre fille. » « Guéris ma fille et je te l'accorde. Vite, que faut-il faire ?»« Sire, envoyez au Pérou l'une de vos caravelles, qu'on s'y procure un élixir appelé le vin de coca, et vous m'en direz des nouvelles. » « Sitôt dit, sitôt fait. » On va quérir au Pérou la précieuse liqueur, la jeune princesse en boit, elle la trouve exquise, l'appétit lui revient, et, peu de temps après, ma foi, se porte comme un charme. Très volontiers, achève le comte, elle donna sa main à l'heureux bûcheron, qui, une fois marié, raconta comment elle avait surpris les secrets des bêtes, et en mémoire de la coca, le saurien amphibie qui en avait appris l'usage fut appelé cocadrille, du nom péruvien coca et du vieux français drillé, qui signifie se bien porter. D'où, par corruption, plus tard, nous avons fait crocodile.